Tout le monde est d'accord, la fin du monde aura bien lieu. Le Soleil deviendra une géante rouge atteignant 250 fois son volume actuel. La Terre, qui sera devenue un enfer inhabitable après l'ébullition des océans et la transformation de la croûte terrestre en magma brûlant, se trouvera déviée de son orbite par l'effet des marées et ira finir sa course dans l'atmosphère du Soleil. C'est ce que prédit la science, en tout cas. Dans 5 milliards d'années. Et la soi-disant prophétie Maya, quant à elle, prévoit cela pour le 21 décembre prochain et fait beaucoup parler d'elle. Cette année, nombreux ont été celles et ceux qui se sont souhaités une bonne année et une bonne fin du monde. La plupart d'entre nous ne prenons évidemment pas cette histoire très au sérieux, et pourtant, on en parle. Et même si son origine est des plus incertaines, il faut savoir que les Mayas n'ont jamais prévu la fin du monde, l'idée s'est néanmoins répandue comme un virus et a infecté tout le monde à des degrés divers. C'est ce qu'on appelle un mème. Une idée donc qui se répand et vit sa propre vie en échappant à tout contrôle. Et la théorie expliquant ce genre de phénomène s'appelle la mémétique. Et c'est de cela que Franck va nous parler aujourd'hui pour ce 68e épisode de la saga de Podcast Science, le balado sans prise de tête qui fait aimer la science. Bonsoir. Alors, bienvenue à tous. Pour rappel, donc, moi, c'est Alan, alias Professeur Fun. À mes côtés ce soir dans le studio virtuel, mes comparses, Hélène d'abord. Salut Hélène. Salut, bonsoir à tous. Et Franck. Salut Franck. Salut, salut, bonsoir. Donc, Franck, tu vas nous parler de la mémétique. Oui, c'est ça, voilà. Ok, donc on va d'emblée préciser que Charles Mougel, le président de la Société francophone de mémétique, a accepté une invitation que tu lui as faite et qu'on le retrouvera bientôt dans le podcast. Donc on aura une discussion, mais ça ne va pas se faire ce soir. Ce soir, on a un long dossier que tu vas démarrer tout de suite d'ailleurs, on t'écoute. D'accord, ok. Oui, non, je voulais juste dire que c'était selon ses désirs, en fait, qu'il n'a pas voulu venir le même du dossier, mais qu'il a préféré intervenir à froid. Voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la théorie de la mémétique. Pour parler de la mémétique, on va commencer par les définitions. Donc, les définitions de mème, de mémétique, ces mots ne figurent dans aucun dictionnaire office francophone. Par contre, on a une définition qui nous est donnée par la Société française de mémétique, donc il y a une association qui promeut la mémétique en France, et qui nous propose cette définition pour la mémétique. Donc la mémétique est une théorie évolutionniste des phénomènes culturels. Alors voyons de plus près cette définition de la mémétique. Donc théorie évolutionniste des phénomènes culturels. Donc pour la partie phénomène culturel, il faudrait pouvoir définir la culture, ce qui relève grosso modo de l'impossible. Le dictionnaire Larousse propose à lui seul 5 définitions différentes du terme culture, et ce n'est qu'un maigre aperçu de la profusion de définitions qui sont prêtées à ce terme. Cependant, pour résumer toutes ces définitions, il est communément admis que le terme culturel en fait s'oppose au terme naturel. Le culturel relève donc des comportements, connaissances, croyances, savoir-faire, en fait tout phénomène idéologique ou matériel qui est acquis au cours de l'existence par action de l'environnement. Alors que le naturel, lui, relève de tout, donc ces phénomènes idéologiques ou matériels, il relève de tous ceux qui sont innés, indépendants de l'environnement. Donc évidemment, la frontière entre culturel et naturel est terminée. Il y a de nombreuses intrications et c'est un très vaste sujet. Donc la définition de mémétique, c'est une théorie évolutionniste des phénomènes culturels. Donc ok pour phénomènes culturels, maintenant voyons théorie évolutionniste. L'évolutionnisme, ça désigne la théorie, aujourd'hui de consensus scientifique, qui s'oppose au fixisme et voulant que les espèces vivantes actuelles soient le fruit d'une évolution au cours du temps, d'une transformation. Cette théorie scientifique de l'évolution est apparue à la fin du XIXe siècle avec les naturalistes Lamarck, mais aussi et surtout Darwin, en 1859. Darwin présente dans l'Origine des espèces le mécanisme de sélection naturelle qu'il estime être le moteur de l'évolution des espèces. Ce mécanisme se résume en 3 principes. Donc, le principe de variation, les individus au sein d'une population sont différents, et cette différence est due au hasard. Le principe d'adaptation, les différences entre individus liées au principe de variation induisent des différences du taux de reproduction de ces individus. On parle de valeur sélective ou fitness en anglais. Donc le fitness est différentiel entre individus. Donc on a le principe de variation, les individus diffèrent entre eux. Le principe d'adaptation, ces différences influencent le taux de reproduction des individus. Et il manque le dernier principe, pour que l'algorithme de la sélection naturelle fonctionne, le principe d'hérédité. Donc l'hérédité, c'est que les caractères des individus sont transmis à la descendance. On parle donc d'un fitness héréditaire, parce que le fitness est transmis à la descendance. Aujourd'hui, il y a un large consensus sur cette théorie synthétique de l'évolution, ou néo-darwinisme. Pourquoi synthétique et pourquoi néo? Parce qu'il manquait dans la théorie de Darwin l'explication, ou plutôt le support et le mécanisme du principe d'hérédité qu'il avait conjecturé. C'est Mendel, avec sa théorie de l'hérédité décrivant la transmission des gènes aux descendants, qui a apporté la réponse à ce défaut, à ce manque. La théorie synthétique de l'évolution est donc la synthèse de la génétique mendélienne et de la sélection naturelle de Darwin. C'est aujourd'hui la seule approche scientifiquement valable de l'évolution. Donc juste là, vous me suivez ? Il y a quelqu'un ? Oui. D'accord. Oui, non, ça va. Je vous ai pas entendu. On va revenir à la définition. Donc, théorie évolutive des phénomènes culturels. Donc, rappelez-vous, la culture s'oppose à l'inné, au naturel, à l'héréditaire. Quel est le support de l'hérédité en biologie ? On vient de le voir, ce sont les gènes. Et la culture désigne donc tout ce qui n'est pas apporté par nos gènes. Et pourtant, la mémétique qui se définit comme théorie évolutive des phénomènes culturels. Si c'est une théorie évolutive au sens darwinien du terme, elle repose sur l'hérédité génétique. Elle tend pourtant à expliquer ce qui par définition s'oppose au gène, la culture. On est donc face à une belle contradiction entre l'évolution qui a pour support le gène et le culturel qui par essence s'y oppose. Ou alors, il s'agit d'une simple transposition métaphorique de la théorie de l'évolution à des cultures, considérés alors comme des êtres vivants, c'est une simple métaphore en fait. Donc on va déblayer le terrain et commencer par voir que... donc on va déblayer le terrain pour faire face à cette contradiction, et on va voir que la théorie de l'évolution de Darwin a beaucoup évolué, et qu'un principe essentiel qui avait échappé à Darwin en émane, et va nous permettre de contourner cette difficulté, le réplicateur. Ok. Donc on va partir chez les bactéries. Donc là, l'ADN n'est pas protégé par un noyau. Il flotte librement, ce qui le rend plus vulnérable aux mutations et aux agressions. Il y a une autre conséquence à ça, c'est que la machinerie enzymatique qui est nécessaire à l'entretien de l'ADN, elle flotte également librement dans la bactérie. Donc dès lors, il suffirait théoriquement d'introduire une molécule d'ADN dedans pour que cette molécule soit transcrite et répliquée comme l'ADN bactérien lui-même. Et c'est ce qui arrive. Donc le plus souvent, on a un gros ADN bactérien et on a quelques petites molécules d'ADN, parasites, entre guillemets, qui l'accompagnent. Ces petites molécules parasites, ce sont des plasmides. Ils profitent de la machinerie enzymatique de la bactérie, et ils sont répliqués comme l'ADN officiel de la bactérie. Ils peuvent être utiles à la bactérie, ils peuvent lui donner des fonctions qui vont être favorables, ou des fonctions qui sont nocives, comme c'est le cas notamment dans les plasmides de bactériophages. Les bactériophages, donc, ce sont des virus qui viennent et qui introduisent leur ADN. On en avait parlé dans le podcast numéro 27. Oui, c'est exactement ça. C'était à propos des antibiotiques, enfin des bactériophages comme antibiotiques. Et donc oui, c'est la même chose. Exactement. Alors, comme je disais, il suffit donc vu que toutes les enzymes nécessaires à l'entretien de l'ADN sont entre guillemets en open source dans la bactérie, il suffirait d'introduire de l'ADN dans la bactérie pour que celui-ci soit entretenu comme de l'ADN officiel. Cependant, ce n'est pas exactement vrai pour plusieurs raisons. Et la principale, ce sont les systèmes dits de modification-restriction. Alors qu'est-ce que c'est que ces systèmes ? En fait, c'est une enzyme qui est très utilisée dans la biologie moléculaire, qu'on appelle enzyme de restriction. Cette enzyme, elle a pour fonction de couper l'ADN dès qu'elle reconnaît un motif spécifique. Chaque type d'enzyme de restriction reconnaît un motif sur l'ADN et le coupe. Donc une fois l'ADN est coupé, il est plus fonctionnel et il va progressivement disparaître. Okay. Ces enzymes de restriction, elles vont s'attaquer indifféremment à n'importe quelle molécule d'ADN, que ce soit celui de la bactérie ou que ce soit un ADN étranger. Donc en fait, la bactérie a été obligée de mettre au point un système de modification de son propre ADN pour le protéger contre ces enzymes de restriction. Alors, il s'agit en fait d'une autre enzyme, une méthylase, c'est ce qu'on appelle une méthylase, qui va rajouter un groupe chimique sur l'ADN, un méthyle, un groupement méthyle, et ce groupement va bloquer l'action de l'enzyme de restriction. Elle permettra de protéger l'ADN. Donc, l'action conjointe de ces deux enzymes forme le système qu'on dit de modification-restriction, ou SMR. Il existe de très nombreux SMR chez la plupart des bactéries. Chaque SMR diffère principalement d'un autre par la séquence qu'il reconnaît. Et la plupart du temps, il s'agit de séquences qu'on va dire palindromes, parce qu'elles vont reconnaître des séquences qui se lisent dans les deux sens, en fait, sur l'ADN. Okay. Elles font généralement, ce sont des séquences qui font 4 à 6 caractères, 4 à 6 bases, les caractères essentiels de l'ADN. Donc on va revenir un petit peu sur la sélection naturelle darwinienne. On a un individu, la bactérie, qui est soumis à une pression de sélection, qui est l'infection par les bactériophages. Ce sont les virus, donc prédateurs, qui vont introduire leur ADN dans la bactérie. On a un caractère de variation. C'est le premier principe de la sélection naturelle de Darwin. Le caractère de variation, c'est la présence du système de modification-restriction. Et on va dire, on va expliquer, la sélection naturelle a permis aux bactéries dotées du SMR de se multiplier parce qu'elles disposaient d'une meilleure adaptation. Donc là, l'adaptation, on passe au deuxième principe. Donc un meilleur taux de survie à leur environnement qui incluait les bactériophages. Vraisemblablement, la théorie de la sélection naturelle darwinienne expliquerait la présence et la multiplication des SMR chez la bactérie, par la protection que ceux-ci leur confèrent par rapport aux bactériophages. On va voir qu'il n'en est peut-être rien, et que cette situation va nous imposer à revoir la théorie de Darwin. En fait, les bactériophages, ils ne peuvent donc pas introduire leur ADN dans la bactérie, parce que celui-ci serait découpé par les enzymes. Mais évidemment, ils ont trouvé des parades. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, du fait de la redondance du code génétique, plusieurs séquences d'ADN peuvent avoir la même signification, ou pour schématiser, il y a plusieurs moyens de dire la même chose en génétique. On peut changer les bases, mais ça aura le même sens si on respecte un certain code, le code génétique. Donc, dans les séquences d'ADN du bactériophage, ils vont éviter les séquences palindromiques qui sont reconnues par les enzymes de restriction. Okay. Vu qu'il n'y a pas de palindrome, les enzymes de restriction ne vont pas pouvoir fonctionner, et le bactériophage va pouvoir librement s'introduire dans la bactérie. On a très bien montré que dans le génome des bactériophages, il y avait très peu de palindromes. Mais là, il y a un premier problème qui apparaît, c'est que on s'aperçoit que dans le génome bactérien, il y a également très peu de palindromes. Par exemple, chez une bactérie, Haemophilus influenzae, les 7 mots de 4 lettres donc d'ADN, les plus évités, ce sont les palindromes, justement. Donc c'est bizarre. Mais on a quelques explications. Par exemple, l'ADN peut s'être progressivement adapté à des dysfonctionnements des SMR, des systèmes de modification-restriction, en diminuant progressivement la fréquence des palindromes. Il y a aussi les échanges entre bactéries qui font que l'ADN va être confronté à d'autres SMR que celui auquel il est habitué, et va donc être détruit, et qu'au fil du temps, ce sont les gènes qui ne contiennent pas de séquences palindromes qui vont s'imposer. Mais là, même si ces explications sont valables, vous remarquez qu'on vient de franchir un pas, l'air de rien, c'est qu'on parle de sélection naturelle qui n'est plus appliquée à des individus, les bactéries, mais qu'on applique la sélection naturelle à de l'ADN, c'est-à-dire à des gènes. Donc, deuxième difficulté, et cette fois majeure, on s'aperçoit en fait que les SMR ne sont pas efficaces pour protéger les bactéries. En effet, statistiquement, il y a très souvent un bactériophage qui parvient à ce que son ADN soit méthylé, soit protégé par la bactérie, avant d'être découpé. Donc cet ADN devient protégé, il va pouvoir être répliqué par la machine de la bactérie, et il va pouvoir aller infecter tout le reste de la colonie. Donc, et enfin, dernier point, on considère que, en fait, finalement, l'évitement des séquences palindromes qui sont reconnues par les enzymes de restriction est beaucoup plus coûteuse pour la bactérie que pour le bactériophage. Il y a plein d'arguments, le bactériophage a un génome plus petit, alors que la bactérie a un génome plus gros, et finalement, c'est la bactérie qui pâtit plus de ce système que le bactériophage lui-même. Donc en fait, en conclusion, on a un caractère qui est la présence du système SMR, qui n'a pas vraiment d'explication dans la vision darwinienne de la sélection naturelle. Son utilité dans l'amélioration de la survie des bactéries n'est pas prouvée, et son impact est plutôt négatif. Et pourtant, malgré ça, le caractère va se répandre quasiment toutes les bactéries. Donc ça va amener un microbiologiste de la fin du XXe siècle à cette conclusion. Si une mutation peut augmenter la probabilité de subsistance de l'ADN sans manifestation phénotypique, alors des séquences d'ADN dont la seule raison d'être est leur propre préservation vont apparaître et se maintenir par sélection non phénotypique tant que leurs capacités de reproduction dans le génome vont compenser leur poids phénotypique négatif. C'est un petit peu lourd, mais je pense que l'exemple le montre un peu. Mais il y a d'autres... d'autres exemples, enfin pas que chez les bactéries, ce genre de choses. Hein. Oui, tu penses auquel notamment? Ben, ce qu'on appelle les transposons Oui, tout à dans fait, ouais. notre Il y a les... ADN. Enfin, je sais pas si t'en Ouais. parles après. Non, enfin, je voulais en parler, mais bon, comme j'étais un peu charrette, j'en ai pas parlé. Mais effectivement, il y a d'autres gènes que les SMR qui vont pouvoir se dupliquer comme ça sans raison phénotypique. Mais bon, on n'a pas le temps de parler de tout, donc voilà. Donc en fait, c'est environ à ce moment-là, quand on s'est aperçu de ça, qu'il y a un biologiste anglais, donc Richard Dawkins, qui propose d'apporter quelques modifications à la théorie synthétique de l'évolution. Dans le Gène Égoïste, donc c'est un livre, en 1976, il introduit la notion de réplicateur égoïste. C'est cette notion qui avait échappé à Darwin et qui va nous permettre de mieux comprendre la définition de la mémétique. Alors qu'est-ce qu'un réplicateur? Un réplicateur, c'est une entité qui produit des copies de lui-même, pour faire simple. Cette entité est considérée, dans la théorie de Darwin, comme étant l'individu. L'individu produit des copies de lui-même. Il est l'acteur et le sujet de la sélection naturelle. Dawkins propose une vision différente, pour lui équivalente, aussi vraie. Il propose de considérer que le réplicateur n'est pas l'individu, mais le gène. L'individu n'est plus alors qu'une machine à faire survivre les réplicateurs. Et il utilise cette phrase, un singe est une machine qui préserve les gènes dans les arbres, un poisson est une machine qui préserve les gènes dans l'eau. L'individu devient un outil au service du... Donc là on a l'ambiance jungle. Ambiance L'individu jungle. devient un outil au service du vrai réplicateur, le gène. Le nom d'interacteur sera ensuite proposé pour cette notion de machine à faire survivre les gènes. Désolé. Donc l'interacteur est l'entité qui interagit comme un tout avec l'environnement, de telle façon que sa réplication devienne différentielle. La sélection naturelle devient un processus dans lequel l'extinction et la prolifération d'interacteurs sont les causes de perpétuation différentielle de réplicateurs qui les produisent. Bon là, ça devient presque de la poésie, je ne sais pas si vous avez suivi. Mais en fait, c'est la différence de prolifération des interacteurs qui va permettre la sélection des réplicateurs. En fait, la différence de réplication, par exemple, de prolifération des espèces vivantes vont permettre la sélection des gènes, en fait, qui sont à l'origine de ces interacteurs. Donc, dans cette vision, l'entité soumise à la sélection naturelle n'est pas l'individu interacteur, dont l'existence est de toute manière éphémère, mais le gène qui porte le caractère égoïste, indissociable pour Dawkins, de l'essence d'un bon réplicateur. Ok, c'est vraiment intéressant comme paradigme. Donc ça veut dire que ceux qui cherchent à se véhiculer à travers les générations, ce qui cherche à exister malgré tout, c'est pas l'individu dans Exactement. l'espèce, c'est pas l'individu qui Exactement. va se reproduire, c'est les gènes qui trouvent un moyen de passer d'une génération à l'autre, et le moyen en l'occurrence, c'est la La machine machine à à survivre. survivre. Ok. Ouais, exactement. Surtout quand, Donc, enfin, oui? ça explique aussi tout ce qui va être. De l'aide familiale, en fait, quand il y a Oui, tout à fait, ouais. des oncles Ben, et tantes qui j'y vont viens aider après. les mouchoirs. D'accord, je te laisse. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. Mais je vais en parler juste après. Donc oui, comme tu disais, Alan, cet égoïsme ne se retrouve pas chez les espèces animales. Les caractéristiques principales du réplicateur égoïste sont retrouvées uniquement chez le gène, et ces caractéristiques sont la longévité, c'est-à-dire également la stabilité, la fidélité dans la réplication, et la fécondité. Donc on va voir en détail rapidement ces trois caractéristiques, longévité, fidélité, fécondité. Pour la longévité, en fait, le gène est très stable. On voit que certains gènes n'ont pas évolué depuis des millions d'années. Comme par exemple les gènes de l'ADN polymérase. L'ADN polymérase, c'est l'enzyme qui copie l'ADN. Son but, c'est uniquement son rôle est uniquement de copier l'ADN. Et ce gène, il n'a pas changé depuis les eucaryotes quasiment. Il n'y a que très peu de formes qui ont muté. Mais grosso modo, le gène ne bouge pas. Donc, en revanche, les espèces vivantes ont une vie qui est très éphémère comparée au gène. Ouais, c'est Donc vrai. ça, déjà, on trouve ça bizarre, c'est que si le réplicateur égoïste, c'était l'individu, il chercherait au contraire à exister le plus longtemps possible. Ensuite, il y a la fidélité. La fidélité, c'est la capacité du réplicateur à se répliquer à l'identique. Donc là aussi, il y a un problème, c'est que si c'était l'individu, par exemple l'homme, le réplicateur, pourquoi est-ce que quand on se réplique, quand on se produit, pourquoi est-ce que la moitié de notre génome seulement est conservée? Parce que la reproduction sexuée, ça consiste à mélanger son génome avec une autre personne. Donc là aussi, la fidélité elle est pas retrouvée dans la reproduction des espèces vivantes. Et enfin, la dernière qualité et caractéristique du réplicateur égoïste, c'est la fécondité. Donc ça, c'est plus on produit de copies de nous-mêmes, mieux on va être conservé. Dawkins nous explique que les individus sont de simples machines expliquées à répliquer les gènes. L'existence des SMR chez les bactéries est un exemple qui montre que certains caractères du vivant ne sont pas expliqués par la sélection naturelle. Cette approche de Dawkins, qui veut que le réplicateur soit le gène, fait aujourd'hui d'un consensus scientifique assez large. Mais elle n'invalide pas l'application de la sélection naturelle aux individus. C'est juste une évolution, un rajout sur cette théorie. Donc l'introduction de cette notion de réplicateur comme unité de base de sélection naturelle nous permet de revenir à la définition de la mémétique. Donc la mémétique, la définition, c'est théorie évolutionniste des phénomènes culturels. Si l'on considère que le gène est le réplicateur soumis à la sélection naturelle et que l'évolution évoquée dans cette définition est bien celle des gènes, et donc des espèces les portant, la contradiction demeure. On a toujours une contradiction entre la culture et l'évolution des gènes. En revanche, si on considère qu'il s'agit juste d'une transposition de l'évolution observée chez les êtres vivants au domaine des idées et de la culture, il va nous falloir déterminer quel est le réplicateur qui peut être observé dans le domaine de la culture. Or, Dawkins, lorsqu'il introduit la notion de réplicateur, introduit également l'idée qu'un autre réplicateur est possible, peut exister, autre que le gène, et ça serait le même. Il s'appelle le même. Donc le même, ça serait le réplicateur qui serait responsable de l'évolution des phénomènes culturels, donc de la mémétique. Il est défini comme tel par la Société française de mémétique, le même. C'est un élément de code culturel reconnaissable et reproductible. Mais pour l'instant, on est face à une question, parce que quelle évolution régit les phénomènes culturels? Est-ce que c'est celle de nos gènes ou bien est-ce que c'est celle de nos mêmes? Quelle est l'explication valable? Donc malgré la contradiction sémantique qu'il y a entre la théorie de l'évolution vue par Darwin et complétée par Dawkins et les phénomènes culturels, on va essayer quand même de passer outre cette vision et d'approfondir cette voie. Nos comportements culturels, dans la majorité, découlent du caractère social de notre mode de vie. C'est par l'apprentissage et l'imitation que nous adoptons différentes postures culturelles. Attendez, excusez-moi. Donc c'est par l'apprentissage et l'imitation que nous adoptons les différentes postures culturelles. Finalement, en fait, l'apparition des comportements sociaux peut se résumer par l'apparition du caractère altruiste chez les espèces sociales. Cette aptitude à l'action positive pour l'autre et négative pour soi est le fondement de la vie en société. C'est ce qu'on appelle l'altruisme. Le comportement altruiste n'augmente pas les chances de survie d'un individu, et apparemment pas plus celle du gène qu'il transporte. La fourmi qui naît comme ouvrière est stérilisée, elle passe sa vie à œuvrer pour le bien de ses semblables, son génome n'a aucune chance d'être transmis. Comment est-il possible que ce comportement se soit transmis, que ce gène de l'altruisme se soit transmis, puisque tous ceux qui l'ont porté n'ont pas eu de descendance? La réponse à cette question est apparue au cours des années 60-70 avec la théorie de la sélection de parentèle. Cette théorie est simple et peut se résumer dans la règle de Hamilton, un des pères de la sélection de parentèle. Une mutation engendrant une perte de valeur sélective pour l'individu peut être conservée si cette perte de valeur sélective est compensée par le gain du terme altruisme multiplié par lien de parentèle. Cette règle est fondée en fait sur une notion essentielle, la notion de parentèle. L'altruisme n'est en fait qu'une apparence, il reste orienté sur la parentèle. C'est-à-dire que les individus ayant une proximité génétique avec l'agent altruiste vont profiter du comportement altruiste parce qu'ils le partagent également. On voit bien que les comportements altruistes codés par les gènes conservent le caractère égoïste, non pas au niveau de l'individu mais du gène. Le gène altruiste permet la coopération d'individus à forte proximité génétique, donc portant également ce gène. Et donc le gène de l'altruisme est finalement égoïste. C'est juste qu'il va reporter cet égoïsme sur plusieurs individus. Donc ouais, cette capacité... C'est drôlement intéressant ça. Donc c'est pas de l'altruisme au sens où on le comprend traditionnellement, mais c'est un égoïsme étendu finalement. Exactement. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc, et ça repose sur cette capacité de reconnaissance du lien de parentèle, parce que le lien de parentèle signifie reconnaissance du gène, en fait. Elle est maintenant démontrée chez de nombreuses espèces animales, des amibes aux mammifères. Chez les fourmis, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, c'est en fait les phéromones. Les phéromones sont propres à une génération, enfin à une famille de fourmis, une fourmilière, et permet aux fourmis de se reconnaître entre elles. Donc voici ce que nous dit la théorie de la sélection de parentèle. Maintenant, on va voir ce que dit la sélection de groupe. La sélection de groupe, elle est apparue après, et elle est défendue par George Price, un généticien américain. Elle va encore plus loin. Elle montre, donc c'est des démonstrations qui sont principalement mathématiques, Ces démonstrations sont résumées dans l'équation de Price. Elles montrent que même la notion de parentèle, donc celle qui est nécessaire à la théorie de la sélection de parentèle, la notion de parentèle n'est pas nécessaire pour expliquer l'émergence de la sociabilité. En fait, il suffit que le comportement altruiste soit héréditaire, il peut être transmis par un mécanisme génétique ou non, mais c'est pas important qu'il soit génétique, pour que des groupes s'organisent au sein d'une population et donnent un avantage sélectif aux individus qui les constituent. Les individus seront altruistes au sein de leur groupe et ils seront hostiles vis-à-vis des autres groupes. Et cette caractéristique doit être transmise par un mécanisme génétique ou pas, elle doit être transmise à la génération suivante avec la capacité de reconnaissance du groupe. Grâce à Price, on voit que la théorie darwinienne de l'évolution par la sélection naturelle permet d'expliquer l'émergence de sociétés fondées sur un altruisme dont l'origine ne serait pourtant pas génétique, mais transmis par un mécanisme quelconque pourvu qu'il soit constant. On pourrait bien s'approcher du culturel. La contradiction n'est plus si évidente que ça. Le biologiste américain David Wilson, un autre des pères de la sélection groupe, dira « Les gènes tiennent la culture en laisse ». Voilà, voilà. Alors, ouais, ça, vous me suivez toujours ? Ouais. Ok. La mémétique, donc, est une théorie évolutionniste des phénomènes culturels. Finalement, en fait, cette définition ne nous aide pas beaucoup. Soit elle se réfère à une intégration des phénomènes culturels dans l'évolution darwinienne des espèces vivantes, et on a vu que c'était possible grâce à George Price. Soit elle se réfère à une évolution séparée, indépendante des mêmes, simplement extrapolée de celle des gènes, sans relation de filiation de l'une à l'autre. Mais je vais arrêter de faire l'innocent, parce que je sais, en fait, on sait très bien que la théorie de la mémétique, elle se veut de la deuxième option. Elle serait nécessairement à la notion de même, qui est introduite par Dawkins, et donc c'est nécessairement avec le même comme réplicateur que la mémétique envisage d'exister. Elle est soumise aux mêmes lois que celles de la sélection naturelle dictée par Darwin, et d'après la mémétique, ces deux évolutions s'effectuent cependant indépendamment. L'homme est un interacteur pour les gènes, mais également pour les mèmes. Quel est alors le mécanisme de transmission des mèmes équivalent à l'hérédité mendéléienne du néo-darwinisme? Alors, on va revenir un petit peu sur cette, sur ce, pour répondre à cette question, on va revenir un petit peu sur ce qui constitue la théorie de la mémétique, et donc sur le concept de mème. En fait, tous les qui constituent notre culture sont des mèmes. Une chanson, par exemple, est un mème. Si je chante une chanson, ce que je ne ferai pas, je serai sans doute entendu par quelqu'un. Et la chanson que j'aurai chantée sera dupliquée dans un nouveau cerveau, et ainsi de suite. Les citations, les quotes qu'on donne à la fin des émissions, sont également des mèmes. Prenons par exemple la quote que j'ai faite dans la dernière émission de Mathieu, enfin, il y a 2 semaines. L'existence précède... L'essence. Bon. Ah, c'est bien. Je vois que tu t'en souviens. Merci, Alan. Donc, voilà. Donc, cette citation, elle était dans mon cerveau, entre guillemets. Et je l'ai dite, et Alan l'avait dans son cerveau. Donc, elle s'est dupliquée. Un mème peut être une simple idée. L'idée de croire en Dieu. Sans considération sur la véracité de l'idée, évidemment. Comme les gènes, les mèmes peuvent s'associer entre eux. Par exemple, l'idée des flammes de l'enfer, très répandue dans les religions monothéistes, est une association bénéfique pour la survie des deux mêmes, flammes de l'enfer et Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, tu brûleras en enfer. C'est une association simple de deux mêmes, augmentant les chances de réplication de l'ensemble, formant ce que Dawkins appellera plus tard un mêmeplex. Une religion est l'exemple le plus fréquent de mêmeplex, un ensemble cohérent de mêmes qui se répliquent ensemble dans un cerveau. La répétition pour les mêmes oraux, la copie, et plus généralement l'imitation, est proposée comme vecteur principal de réplication des mèmes. J'ai entendu une histoire, je la répète. Je vois quelqu'un danser, je l'imite. Je vois quelqu'un fumer une cigarette, j'essaie de fumer. L'imitation se définit par l'exécution pour la première fois d'une action après l'avoir entièrement observée chez un autre. Dès lors, la capacité à imiter devient conditionnelle de l'évolution des mèmes. C'est le mécanisme de l'hérédité. Avec l'émergence du langage, l'imitation est facilitée. On a essayé d'en comprendre les fondements en dehors du langage. L'imitation relève-t-elle d'une capacité mentale spécifique? Alors, donc là, on a mené des expériences chez l'animal qui sont assez frappantes. On place un pigeon dans une cage en face d'un automate en forme de pigeon. Il y a des tâches, deux tâches sont faites dans la cage, une verte et une rouge. Alors l'automate va donner un coup de bec dans la tâche verte. Il y a de la nourriture qui arrive. Si l'automate donne un coup de bec dans la tâche rouge, il n'y a pas de nourriture. Rapidement, on voit que le pigeon, donc le vrai pigeon qui n'est pas l'automate, imite l'automate en donnant un coup de bec dans la tâche verte. et reçoit de la nourriture. S'il n'y avait pas eu l'automate pour le montrer le geste, il n'aurait pas tapé naturellement dans la tâche verte. Donc, on pourrait penser qu'il s'agit d'imitation. Mais maintenant, on change les règles. Le nouveau pigeon, on prend un nouveau pigeon et un nouvel automate. L'automate en forme de pigeon ne doit plus donner un coup de bec pour recevoir la nourriture, mais il doit toucher la tâche avec son aile. C'est pas un coup de bec, il doit déployer son aile et toucher la tâche. Okay. Et qu'est-ce que fait le pigeon, le vrai pigeon qui observe? Il va, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des coups de bec dans la tâche. Dans la bonne tâche, dans la même tâche que celle que le pigeon automate a touchée. Et là, forcément, il reçoit pas de nourriture. Il n'imitera jamais le mouvement d'aile du modèle, aussi nombreuses soient les fois où on lui montrera. En fait, le pigeon copie le choix de l'objet, mais pas le mouvement. Les chimpanzés sont également limités de ce point de vue. On montre qu'on peut facilement apprendre un chimpanzé à accomplir des tâches telles que nettoyer une telle, faire plein de tâches pratiques, mais en revanche, il est très difficile de lui faire accomplir des séquences motrices comme une chorégraphie. Dans le milieu naturel, donc les expériences sur le singe dans le milieu naturel ont montré que c'est pareil. Les mères chimpanzés, par exemple, cassent des noisettes sur une souche avec une pierre devant leurs enfants. Elles posent la noisette sur la souche et elles la cassent avec une pierre. Il arrive assez rapidement que les enfants, en observant leur mère avoir cette pratique, s'y essaient également. Merci Alan. Ils font le même choix d'outils. Directement, ils posent la noisette sur la souche et prennent une pierre et tapent la noisette avec la pierre. Cependant, ils utilisent une seule main pour taper avec la pierre, alors que la mère utilise ses deux mains. Résultat, la frappe est déstabilisée et la noisette vole. Avec une seule main, les jeunes chimpanzés ne parviennent pas à casser la noisette. Et ils mettront plusieurs années avant de saisir la pierre à deux mains. En médecine, un test médical consiste à faire toucher un objet simple par un patient sans le lui montrer. Et on lui demande de nommer l'objet. Certains patients sont incapables de nommer l'objet malgré le fait qu'ils le touchent et qu'ils sachent ce que c'est. Il leur faut réfléchir longtemps et visualiser l'objet avant de pouvoir le faire. En fait, cela tient à ce que l'aire du langage et celle du toucher sont situées dans deux hémisphères différents. Et lorsque la communication entre les deux hémisphères est rendue difficile par certaines lésions des neurones, l'information ne peut pas transiter et le patient ne peut pas nommer l'objet. Dans le cas de l'imitation, c'est identique. Il existe des neurones, en fait, qui vont relier les sens à d'autres aires du cerveau. Par exemple, quand un enfant regarde un autre enfant faire ses lacets, il y a un neurone qu'on appelle les neurones miroirs qui va s'activer. Ce neurone va relier l'aire de la vision aux zones qui sont responsables de la gestion des séquences motrices. Et elles vont s'activer, comme si l'enfant accomplissait lui-même l'action. Si la séquence motrice que l'enfant observe est assez simple, l'enfant pourra l'imiter directement après l'avoir vue, parce qu'elle a déjà été conçue à l'observation du mouvement. Ces neurones miroirs jouent également un rôle dans le cas des émotions. L'observation d'une émotion entraîne ainsi l'activation des zones dédiées à ces émotions. Ces neurones miroirs ne sont cependant pas suffisants à l'imitation, car on les a retrouvés chez le singe, et on a vu que le singe n'était pas très doué pour l'imitation. Mais on sait qu'il joue un rôle important. En revanche, la faculté à imiter, si elle n'est pas développée chez le singe, est développée chez d'autres animaux. Prenons par exemple les oiseaux, notamment les perroquets, ou les cétacés. Les perroquets sont très doués pour l'imitation. Ils peuvent imiter même la voix, juste parce qu'ils sont... je vais y revenir, mais ils ont des mécanismes sélectionnés pour imiter de manière fidèle ce qu'ils observent. C'est dans leur évolution. Donc chez les oiseaux, en fait, coïncidence, ces espèces, donc les oiseaux, les cétacés, sont des très bons terrains de jeu pour les méméticiens. En effet, l'étude du chant des oiseaux constitue un excellent modèle de propagation d'un mème. Les oiseaux se copient entre eux leur chant en faisant quelques erreurs, ce qui introduit une évolution des chants. Okay. Chez les autres espèces, ce dont on a parlé auparavant, ce qui peut passer pour de l'imitation, c'est en fait d'autres processus d'éthologie, la science du comportement des animaux, qu'on va appeler le mimétisme ou l'émulation, mais qui sont neurologiquement différents. Chez l'homme, en fait, on dirait que c'est une faculté innée, en tout cas elle apparaît très tôt chez le nouveau-né, et elle pourrait manquer chez les autistes notamment, bien que les neurones miroirs en particulier aient été disculpés chez les autistes. Donc la mémétique s'appuie sur cette imitation pour expliquer la transmission des mèmes. Maintenant qu'on a posé la définition de la mémétique, du mème, qu'on a éclairci son modèle de propagation, c'est l'imitation, on peut tenter de voir un petit peu quels modèles permettent de la théoriser. Il y a trois modèles principaux qui portent sur le support du mème. Dawkins, donc le père fondateur du mème, Dawkins a Il propose de ramener le même à un pattern d'activité cérébrale. L'information portée par le même est en réalité secondaire, le même est défini par le pattern d'activité cérébrale, ouais. C'est-à-dire une chorégraphie d'activation des zones cérébrales et des neurones qu'on va pouvoir observer en imagerie. Si je vois un éléphant, ce sera toujours la même zone de mon cerveau qui s'activera, par exemple, qui correspondra au même éléphant. Dennett, un philosophe américain qui a écrit sur la théorie de la mémétique, considère au contraire que le même est immatériel, indépendant du support. Par exemple, si je photocopie un livre sans le lire, j'ai répliqué le même. Le cerveau humain n'intervient que dans la sélection, dans le choix des mêmes, dans le choix des mêmes. Enfin, il existe une synthèse de ces deux positions qui va considérer qu'en fait le support du même, c'est bien l'activité cérébrale, mais que seules les conséquences de cette activité permettent de définir le même. Par exemple, si une personne prononce le mot thé, comme le thé vert, elle aura un profil d'activité cérébrale. Si une personne dont la langue maternelle n'est pas le français prononce le mot T, son profil d'activité cérébrale sera différent, parce que ce n'est pas sa langue maternelle. Mais pourtant, il s'agirait bien dans cette vision-là du même. Voilà pour les principes fondamentaux de support du même. Mais maintenant, on va passer au problème de la théorie, et quelles sont les raisons pour lesquelles on ne peut pas les considérer à l'heure actuelle comme des réplicateurs darwiniens. Alors... En fait, il y a deux objections principales au fait de considérer que les mêmes agissent comme des réplicateurs égoïstes. La première, je me suis beaucoup inspiré, je voudrais le citer à ce moment-là, de la thèse de Nicolas Clédière, qui est présente sur le site de la Société française de mémétique.org. Autant dire, ce sont ses conclusions. Mais donc voilà. On va étudier l'imitation en psychologie pour étudier la mémétique. On va montrer que des expériences d'imitation faites sur des groupes de sujets, animaux ou humains, tendent toujours vers la même conclusion, c'est que peu importe la technique qu'on va montrer à un groupe, le groupe va imiter dans un premier temps, mais dans un second temps, les groupes tendent tous pour adopter la même technique en fait. Et l'imitation devient secondaire, elle ne sert plus à rien. Quel que soit le thème de l'imitation, au terme d'une certaine période, le sujet qui est soumis au test, il revient aux mêmes pratiques que si on lui avait rien montré du tout. Donc ces tests d'imitation permettent de déduire trois lois finalement qui régissent ces processus d'imitation. Donc on appelle facteurs sociaux dans ces lois. Les facteurs sociaux, en fait, c'est l'imitation, c'est-à-dire facteurs sociaux, c'est les personnes qu'on observe et qu'on imite. Donc plus les facteurs sociaux convergent vers le même comportement, plus les individus accordent d'importance à ces facteurs. En fait, ça veut dire que plus il y a de nombreuses personnes qui ont la même technique, qui font la même chose, plus on va avoir tendance à les imiter. Alors que s'il n'y en avait eu qu'une seule, on ne l'aurait pas imité. D'accord. La deuxième loi, c'est que plus les individus ont de temps, moins ils accordent d'importance aux facteurs sociaux. Donc là, c'est assez simple, c'est-à-dire que si on voit quelqu'un faire d'une certaine manière, si on est pressé par le temps, on va pas prendre le temps de réfléchir, enfin on va pas prendre le temps d'essayer d'autres techniques, on va imiter directement. C'est assez logique. Et enfin, troisième loi, plus la proportion d'individus naïfs dans le groupe est grande, moins les individus accordent d'importance aux facteurs sociaux. Ça, c'est assez simple, c'est qu'en fait, si on a 100 personnes et qu'il y en a une seule d'entre elles qui montre quelque chose, bon bah les 99 autres, elles vont pas trop le suivre, elles vont être plutôt réticentes. Alors à l'inverse, si on est une personne, on est 10 personnes dans le groupe, il y en a 9 qui font d'une certaine manière, il y en a un qui sait pas, bah il est évident qu'il va copier les 9 autres. Ouais. Donc ça, ce sont trois lois qu'on a bâties pour l'imitation. Mais finalement, en fait, les facteurs sociaux, comportement, ils tendent toujours à retourner aux facteurs individuels. En fait, l'imitation, si elle permet de créer dans un premier temps des pratiques qui ont les caractéristiques d'une culture, elle ne provoque pas la durabilité de ses comportements. Du fait, en fait, de l'existence de mécanismes psychologiques dont le but n'est pas de reproduire à l'identique les comportements, mais au contraire, de les modifier. Je vous parlais tout à l'heure de l'étude mémétique des champs d'oiseaux. En fait, en rebâtissant des arbres phylogénétiques à partir de champs d'oiseaux, qui vont être fondés ou non en rebâtissant des arbres phylogénétiques à partir de champs d'oiseaux, qui seront fondés sur les différences observées entre les champs, donc on va pouvoir construire une évolution des champs et les resituer les uns par rapport aux autres en fonction de leur ordre d'apparition, on observe que suivant les espèces, en fait, le taux de variation entre deux générations de champs, donc deux générations, c'est-à-dire deux champs successifs, ils diffèrent. Dans certaines espèces, la fidélité d'une génération à l'autre, elle est très importante. Lorsque la fidélité est très importante, c'est parce que le champ et sa nature revêt une importance cruciale pour la survie de l'individu. En fait, quand le champ est important, quand il joue un rôle important dans les processus de reproduction, de survie, d'alerte des prédateurs, etc., dans ces cas-là, et que le champ a une signification précise, dans ces cas-là, les mécanismes qui vont permettre son imitation seront très fidèles. En fait, il y a eu des pressions sélectives qui ont permis l'émergence de mécanismes imitatifs à fort taux de fidélité. Et c'est l'existence de ces mécanismes-là qui permet qu'il y ait ce fort taux de fidélité. Chez l'homme, on n'a pas du tout découvert de ces mêmes mécanismes psychologiques. Notre psychologie n'a pas évolué pour imiter de manière fidèle les comportements que nous observons, du moins à notre connaissance aujourd'hui. C'est-à-dire que les expériences d'imitation montrent que l'homme ne se comporte pas en imitant, en essayant d'imiter à tout prix de manière fidèle ce qu'on lui a montré. Au contraire, il se comporte en essayant de modifier, d'améliorer, de changer ce qu'on lui a montré, suivant les lois dont je parlais tout à l'heure. L'un des mécanismes psychologiques qui permet d'expliquer ce manque de fidélité, c'est ce qu'on pourrait appeler le raisonnement, par exemple. Le raisonnement va empêcher l'imitation fidèle. Finalement, en fait, le mécanisme de l'imitation, c'est un mécanisme très infidèle à terme, c'est-à-dire au fur et à mesure du temps, il va devenir très infidèle, et il ne peut jouer le rôle d'une transmission héréditaire darwinienne satisfaisante. C'est-à-dire que si la mémétique est fondée, son mécanisme, quant à lui, il reste à découvrir. En attendant, l'éventualité d'une mémétique, c'est-à-dire d'une théorie évolutionniste des phénomènes culturels, cette éventualité-là, elle subsiste, mais elle reste sans démonstration, sans modèle mathématique, sans processus clair, démontré et connu. Donc ça, c'est la première objection, c'est le manque de fidélité dans le processus d'imitation qui ne permet pas de bâtir une théorie scientifique. Et donc la deuxième objection, qui est moins sévère, c'est qu'en fait, l'un des principaux modes de variation des mèmes, donc des écarts de fidélité de l'imitation, c'est pas le hasard en fait, parce que dans la théorie de Darwin, je vous ai dit, la source de variation entre les individus, c'est le hasard. Mais là, c'est pas le hasard. En fait, c'est des améliorations qui sont apportées par l'interacteur en fonction de l'environnement et orientées vers son profit. C'est pas une sélection de variations préexistantes qui va être sélectionnée par réplication différentielle des interacteurs. C'est une modification successive, on va dire, aux difficultés apportées par l'interacteur sur le même, le réplicateur mémétique, le même. Donc en fait, ce mode de variation, il tient davantage du lamarckisme, qui est donc le précurseur dans la théorie de l'évolution à Darwin. Donc il tiendrait davantage du lamarckisme que du darwinisme. Mais bon, là c'est une autre théorie, donc je vais pas m'étendre dessus. Donc voilà, maintenant je vais un petit peu conclure sur la mémétique rapidement, hein, parce que il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais j'aurais pas le temps dans cette émission. Malgré le fait que la mémétique soit pas une théorie scientifique vraiment avérée à ce jour-là, elle permet quand même de comprendre pas mal de choses. Associée au concept de réplicateur-interacteur, elle permet de saisir que certains mèmes n'existent que parce qu'ils sont des effets favorisant leur propre propagation. C'est le cas par exemple des OOX, je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, des HOAX, comment vous prononcez ça? Oaks. OOX, ouais, c'est ça. Ces chaînes de mails parasites qui se transmettent largement dans nos boîtes. On peut également citer le marketing viral avec ces vidéos qu'on change entre nous, qu'on se montre et qui parfois véhiculent à notre insu des messages publicitaires. Cette idée qu'une idée, un mème en fait, puisse se répandre à nos dépens est importante à avoir à l'esprit et à conserver. Il y a un exemple, il y a d'autres études de sociologie qui ont été faites et qui montrent que certaines pratiques culturelles, en fait, nocives pour ceux qui les pratiquent, comme par exemple le cannibalisme. Le cannibalisme, c'est dangereux, ça apporte des maladies. Ces pratiques-là peuvent continuer à se répandre dans une population, malgré un fort taux de mortalité chez ceux qui pratiquent, uniquement parce qu'elles sont très imitées. Et en fait, elles ne sont pas en faveur de ceux qui les imitent, mais elles sont en faveur de leur entretien, de leur auto-entretien. Si nos processus mentaux du cannibalisme, en fait. C'est l'exemple type du mème qui vit par lui-même, pour lui-même, quel que soit l'environnement, qui essaie de se reproduire et qui y parvient. Oui, Et qui est nocif même, pour l'interacteur, en fait. C'est ça qui est fou. C'est ce qu'on disait dans les SMR, hein. C'est que si le même si l'impact phénotypique est négatif, si au final la capacité de reproduction elle est augmentée, et ben ça faut que ça se reproduira. Juste par rapport à, je t'interromps une seconde, par rapport à la Oui? question que tu posais tout à l'heure de la scientificité de la mémétique et de sa capacité Oui. de prédiction, on a un commentaire de Jean-Michel Abrassard, qui est l'animateur du balado Scepticisme Scepticisme scientifique. scientifique, Ouais. exactement, qui nous dit, c'est sur Twitter, il nous dit c'est en grande partie parce que la mémétique est une proto-science mort-née, en tout cas pour l'instant. Voilà un point de vue bien arrêté Ouais. de Jean-Michel Abrassard. Et puis, il nous dit aussi, tant qu'il y est, et puis que je t'ai piqué la parole, que la définition des mémplex est tellement floue qu'elle peut inclure tout et n'importe quoi. Bon, il est très sceptique alors. Ah bah oui, mais bon, c'est son job en même temps. C'est son job, voilà. Ouais, bah oui, c'est ce que je suis assez d'accord, oui, c'est ce que j'en pense également. Ouais. Donc en fait, oui, ce que je voulais dire, c'est que si nos processus mentaux n'ont pas évolué pour se cantonner à l'imitation stricte, ce qui invalide la mémétique, ils n'ont pas non plus évolué pour préserver notre strict intérêt individuel. Et ça se retrouve dans la sélection de groupe, c'est que les deux extrêmes sont vrais, en fait. L'extrême qui veut que notre évoluer pour imiter bêtement, c'est faux. Mais si on pense également que nos pensées ont évolué pour servir notre intérêt d'interacteur, c'est également faux. C'est-à-dire que on est capable de processus qui vont servir l'intérêt commun à notre détriment. Donc voilà ce que je voulais dire. Et donc pour vraiment conclure, je dirais que la mémétique, c'est une idée en elle-même qui jouit d'un considérable taux de reproduction dans ce qu'on pourrait appeler la noosphère, la sphère des idées. Et la littérature associée est vraiment considérable. J'ai fait qu'en effleurer l'essentiel. Il y a de nombreux auteurs dont je n'ai même pas parlé qui apportent des no nombreuses notions supplémentaires. Il y a le thème de Suzanne Blackmore qui est un troisième réplicateur technologique. Il y a la solution culturelle de Pascal Jouxtel ou le neuromème de Aounger. Il y a plein de sujets comme ça que j'ai pas voulu aborder parce que c'est sûr que c'est très attrayant, ça a l'air vrai et que c'est intéressant. Mais je pensais qu'il valait mieux se rester cantonné aux phénomènes vraiment scientifiques, descriptibles et expérimentaux à propos de la mémétique. Et donc voilà, j'en ai fini pour ce dossier, pour ce sujet. Ok, bah écoute, magnifique dossier, merci, merci infiniment. À chaud, on a encore Ben, merci un à ou deux vous. commentaires. Ouais. Donc, encore un commentaire de Jean-Michel Abrassard qui nous dit et nous apprenons énormément de choses par inférence et pas seulement par simple imitation. Donc, par inférence, c'est-à-dire par déduction, par raisonnement, comme tu le disais tout à l'heure. Et puis on a Manuel dans la chatroom qui nous fait remarquer que l'idée de virale que tu as évoquée à la fin du dossier est finalement pas bien loin de l'idée des bactéries du début du dossier. Oui, exactement. Ouais. C'est intéressant. Moi j'avais une ou deux petites questions comme ça qui me sont venues pendant la présentation de ton dossier. Oui. Sur la notion de manque de fidélité dans l'imitation. Ouais. Ok, c'est. Enfin, du coup, ça induit une certaine variation dans la reproduction, une Ouais. variation qu'on retrouve dans la théorie de l'évolution. Dans la théorie de l'évolution, elle est due au hasard. Enfin, dans l'évolution, elle est due au hasard. Là, Oui. elle serait due à d'autres facteurs, mais finalement, ça change pas grand-chose. Finalement, c'est Non, non, non. le Cette, fait qu'il y oui, ait de la effectivement. variation, c'est ce qui permet l'évolution. Tout à fait, ouais, tout à fait. Cette observation-là au fait que ce n'est pas le hasard qui guide les variations, mais l'amélioration finalement de ce qu'on observe des mèmes, c'est pas une objection majeure à la théorie de la mémétique parce qu'en fait, il y a des modèles d'évolution qui sont pas darwiniens, qui sont lamarckistes. Donc c'est du lamarckisme qui est tout aussi valable pour expliquer, enfin qui aurait des modèles mathématiques valables pour expliquer l'évolution. Et c'est pas grave en fait, ça en soi c'est pas grave. Ce qui est surtout grave en fait, c'est que l'imitation ne soit pas fidèle du tout. En fait, elle est pas assez fidèle pour justifier une évolution. C'est comme si, par exemple, tu prends dans ton génome d'une génération à l'autre, t'as que 10% de ton génome qui est conservé. Bah là, c'est plus le mécanisme de conservation avec modification qui va faire l'évolution. Un C'est autre totalement mécanisme. aléatoire quoi. C'est les sources de variation qui vont être responsables de l'évolution. C'est les facteurs qui vont faire que le génome varie. Qui va guider l'évolution des espèces. Et c'est justement ces facteurs qui sont les facteurs de variation dans les mèmes, ces facteurs de variation qui sont donc prépondérants dans l'évolution des mèmes, qu'on est incapable de gérer, enfin de modéliser, de comprendre et de prévoir, de prédire, d'accord. Ouais, de prédire, parce que justement il n'y a pas de, enfin il n'y a pas de science encore qui permet de, il y en a plein, mais elles sont toutes au stade de balbutiement, quoi. Enfin, okay. C'est assez complexe. Bah, faut dire qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte. Exactement, C'est un peu le problème qu'on rencontre dans les sciences humaines aussi, qui ont oui. pas toujours des capacités prédictives bah, aussi oui, poussées que les sciences. Mais d'ailleurs, les sciences humaines aujourd'hui sont plus à même de prédire l'évolution des mèmes que la mémétique. En fait, finalement, la mémétique, elle serait à même de prévoir l'évolution des mèmes si l'imitation était très fidèle. C'est-à-dire que là, ouais. je redis ce que je viens de dire, mais là, vu ouais. que l'imitation n'est pas fidèle, c'est les autres facteurs de variation, c'est la prédiction des autres facteurs qui va nous permettre d'évolution, de prédire l'évolution des mèmes. Comme par exemple les sciences humaines ou je sais pas l'histoire, enfin il y a plein de sciences, la psychologie, etc. Ok, et à part les chants d'oiseaux, t'as quelques ouais. exemples concrets de mèmes? Oh, tu me prends un peu au dépourvu. Il y en a, ça pullule, je dirais. Il y en a plein. Des exemples de mèmes. Tout est un mème en fait finalement. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme exemple? Bah moi il y a un terrain de, enfin moi il y a un truc qui me fascine, c'est Twitter. Twitter, c'est pour moi, c'est chaque tweet est un mème en fait. Et non, même tu peux aller plus loin, tu dirais chaque mot est un mème, chaque hashtag est un mème, et les retweets, ce sont des réplications du mème. Et des fois t'as des RT. Et tu tapes et tu changes un peu le tweet et tu le. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ça ressemble vachement à ça, à la mémétique. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a. Bon, je regardais en attendant d'écouter ton dossier l'autre jour une vidéo TED de Susan Blackmore, qui est une des. Oui, ouais, la conférence. Exactement, ouais. Ouais. Une des pontes de la mémétique. Elle donnait un exemple tout bête auquel j'avais jamais pensé, que je trouve finalement assez drôle. C'est l'exemple du papier de toilette dans oui. les chambres d'hôtel. Partout sur la planète, quand tu arrives dans la chambre d'hôtel pour te montrer que ça a été que ça a été nettoyé, entretenu, on plie la première feuille du rouleau de papier toilette pour en faire une espèce de forme de cravate. Puis c'est un truc, ah elle a pris des photos même jusque dans des toilettes de brousse en Inde. C'est un truc qui se fait. Ah, mais j'avais pas vu ça. Sorti. Ah, tu l'as pas vu, c'est intéressant. En fait, j'avais vu que c'était, je croyais que le même c'était le rouleau de papier toilette en soi, mais j'avais pas vu l'histoire du pli ouais, de non, de c'est papier. Ça, alors c'est le pli, ouais. On mettra la vidéo dans les notes de l'émission. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est super intéressant, on sait pas d'où c'est sorti, on sait pas pourquoi ça se perpétue, on a toujours pas compris l'intérêt de ce truc-là, et pourtant, voilà, il a l'air de vivre. Ouais, son c'est clair, sa propre nécessité, c'est assez intéressant comme exemple. Ouais. Mais là, on voit encore que c'est un champ, en fait, c'est un domaine où ça a peu d'importance, en fait. On va pratiquer l'imitation quand ça a peu d'importance. Quand c'est pas. C'est comme pour les oiseaux, quand le champ est très important pour la survie, il est imité avec fidélité. Mm-hmm. Et en fait, là, c'est l'inverse. C'est que comme ça n'a peu d'importance, on se permet d'imiter avec fidélité. Mais s'il fallait faire les choses différemment, on n'imiterait pas. Ouais, mais non, en fait, mon exemple tombe un peu à l'eau. Ok, ouais, bon, de toute façon, après ce dossier, on va arrêter de te torturer, je crois. À moins qu'Hélène, tu aies une question encore? Non, bah, moi, je connaissais un peu tout ça, parce que j'ai ouais. deux kinks il y a longtemps. Mais il y a un truc qui est un petit peu douloureux dans cette idée, et moi, ça m'a fait un peu mal, c'est qu'on se sent un peu dépossédé de ses idées, en fait. On se sent un peu dépossédé de sa raison. On a l'impression que tout ce qu'on pense... C'est pas nous qui le pensons, en fait, c'est des idées qui sont là en tant que parasites et que, en fait, qu'on n'a plus aucun impact, plus aucun droit sur ces idées-là, quoi. Ouais, bon, je suis d'accord avec toi, c'est ça, quelque chose d'extrêmement déprimant. C'est un peu déprimant, et voilà. Non, mais quand tu dis que c'est pas vrai. T'es bien déprimé, alors déjà, tu véhicules que tes gènes, tu véhicules les. Ouais, exactement, ouais. Tu n'es rien, en fait. Exactement, voilà. Tu n'es rien, en fait. Tu transmets tes gènes et tu transmets des mèmes, et puis c'est tout, quoi. Exactement. Ouais, mais bon. Moi, il y a une transposition que je fais au domaine des mèmes, c'est que si on sert à rien pour les gènes, on sert à rien pour les mèmes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire passer nos idées avant nos vies personnelles, quoi. Et ça, c'est aussi une espèce de leçon. C'est que si l'évolution, elle fonctionne, c'est parce que les individus sont au service des gènes et permettent leur évolution. Mmh. Et si on transpose au niveau des mèmes, ça veut dire que ça veut dire qu'il est plus important que les individus, que les interacteurs. Et ce qui est important, c'est de faire triompher ses idées et pas faire triompher soi-même, quoi. En fait, c'est une invitation à l'altruisme. Ouais, enfin, ça dépend encore de quelles idées on fait triompher. Je pense que c'est un peu une arme à double tranchant. Bah ouais, Mais il faut quand même faire gaffe. Écoutez, les amis, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur le sujet puisque tu as eu l'excellente idée d'inviter un spécialiste en la matière. Oui, et bien d'ailleurs, oui, peut-être. Oui, non, enfin, ouais. Bah, très rapidement. Bah, j'ai contacté également Pascal Jouxtel, qui est donc l'auteur francophone de Mémétique, qui a écrit System Pond. J'ai pas eu de réponse, mais il est possible qu'il vienne en compagnie donc de Charles Mougel, le président de la SFM. Ouais, ce serait formidable. On aurait une discussion intéressante entre deux pontes. Ouais, ça serait vraiment génial. Ouais. Juste avant de finir, je voulais aussi rappeler mes sources rapidement, si possible. On a le temps encore. Il y a deux très, sources que je voulais rapidement, citer. Ouais. Bon, de toute façon, on les trouvera dans ton dossier. Ouais, bon, là, je les mettrai en lien. Web, enfin, vas-y rapidement, les deux sources principales. Ben, surtout, alors, en fait, Odile Jacob, Le singe, le bébé et l'homme. C'est un super bouquin et je m'en suis beaucoup inspiré. Voilà. Ok. Formidable. Alors maintenant, on va passer très très rapidement au pitch d'Hélène concernant son dossier de la semaine prochaine. Hélène, ta minute commence maintenant. Après les vampires, je vais vous parler d'immortalité, ou en tout cas d'une des pistes vers celle-ci, les cellules souches. Elles sont souvent présentées comme la solution à nos organes défectueux, mais qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche? En quoi sont-elles différentes de nos autres cellules? En quoi sont-elles immortelles? Sont-elles les seules? Et si nos autres cellules sont mortelles, c'est qu'il y a une bonne raison, non? Il existe différentes façons d'obtenir des cellules souches, embryons humains surnuméraires, sang de cordon ombilical, rajeunissement de cellules normales. Mais est-ce que toutes ces cellules sont identiques? Et qu'est-ce qui les différencie? Comment peuvent-elles réparer ou remplacer des organes ou des tissus défectueux? Quel est leur avantage par rapport à la transplantation actuelle? Leur utilisation est-elle sans danger? Est-ce vraiment un remède miracle? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions la semaine prochaine avec toute la rigueur scientifique habituelle de Podcast Science. Voilà, c'est un peu court. Eh ben, sacré programme. Magnifique. On se réjouit beaucoup d'en savoir plus. Ouais, génial. Ouais, et il nous reste que quelques minutes. Du coup, je vous propose qu'on zappe les news. De toute façon, on pourra en parler la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Il y a juste une chose que je voudrais pas zapper, c'est une annonce importante. Il ne reste plus qu'une semaine pour participer au concours de la 500e de SAFT, donc Strange Stuff and Funky Things, le blog de Pierre Kerner. Alors dépêchez-vous, je vous rappelle rapidement le principe. Il s'agit de réaliser une œuvre de vulgarisation scientifique à la manière de SAFT, donc des sujets étonnants, de l'humour, de l'imagination et beaucoup de funk. Il y a quatre formats possibles. Donc, ce sera soit un article de blog de 1000 mots, une planche de BD d'une page à 4, un enregistrement audio d'une minute ou une vidéo d'une minute. Et vous avez le droit de participer à plusieurs de ces thèmes, mais il n'y aura qu'une seule production retenue par thème. La deadline est fixée au 20 janvier, donc c'est vraiment tout bientôt. Là, il faut vous y mettre. Bon, je pense que la plupart d'entre nous s'y mettent en général à la dernière minute. Donc voilà, la dernière minute, c'est maintenant. Allez-y, il est grand temps. Et puis, on ne peut pas terminer un podcast science sans le même qui l'accompagne depuis le tout début. Donc, petit coup de gong et on va écouter Hélène pour commencer. Tu nous as préparé quelque chose. Oui, bah en fait, je vais reprendre une citation que j'ai trouvée sur Twitter via Caroline Chatelain, qui est rédactrice en chef de Sciences et Avenir. Donc, c'est une citation de Galilée. « Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'eût quelque chose à m'apprendre. » Voilà. Très joli, ça. Ouais, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. On est toujours le sage de quelqu'un, en somme. Toute cette... Ouais, la prétention académique parfois qui peut régner autour du savoir, ou ouais, la blouse blanche qui fait qu'on est celui qui sait, celui qui est docte, et en face, on n'a qu'à se taire et écouter. En définitive, là, Galilée a tout cassé. On a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Non, c'est génial, moi j'aime beaucoup ça. Ça me plaît bien. Ça veut dire aussi qu'on sait toujours quelque chose. Mais c'est ça, ouais. Rassurant aussi pour soi. Bah, c'est vrai, en somme, c'est vrai. Et puis moi, j'avais aussi une petite quote que j'ai trouvée sur Twitter, enfin qui nous a été adressée par Laurent sur Twitter. Il nous a mis en copie d'une pensée qu'il a eue dans le courant de la semaine. Il nous dit, quelque part, on touche tous un peu la lune quand sa lumière nous atteint le soir. Je trouve ça émouvant. Eh ben, moi aussi. Je trouve ça absolument magnifique. C'est vrai que finalement, la lumière de la Lune, si on ramène ça aux principes fondamentaux de la physique, bah, c'est un rayon de photons qui nous arrive. Il y a effectivement un contact physique, quoi. Alan, je coupe juste, mais on va te couper là, je pense, il reste 10 secondes. Ouais, ah bah, on n'a plus qu'à se dire au revoir. Eh ben, au revoir. À la semaine prochaine. Merci à tous. À tout bientôt. Merci beaucoup. Salut.